Bonjour à tous, chères auditrices et auditeurs. L'association Ralentir pour vivre reçoit aujourd'hui Alain. Il nous apporte son témoignage de l'épuisement, appelé plus communément burn-out, dont il a été victime. Ce phénomène touche actuellement plus de 3 millions de la population française et ce sujet est relativement tabou. C'est donc dans le but de rompre le silence que nous avons organisé cette rencontre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute en vous souhaitant bon après-midi en notre compagnie. Bonjour Alain, merci d'être ici aujourd'hui avec nous pour ce témoignage. Je vais d'abord te laisser te présenter en deux mots. Bonjour Catherine, me présenter à un moment de ma vie où je suis presque en retraite, j'ai d'abord été mécanicien, projeteur dessinateur industriel et ma dernière profession était enseignant. Voilà. D'accord, bien. Est-ce que tu pourrais nous dire le premier jour où tu es sorti, ce qu'on pourrait appeler sorti du déni, où tu t'es rendu compte que tu étais dans un épuisement total? Comment tu l'as vécu ce premier jour? Au moment où je suis sorti du déni. C'est-à-dire où tu t'es rendu compte que tu étais en épuisement, en fait, où tu l'as accepté, où tu l'as acté, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a toujours ce premier jour où on se rend compte que là, on est au bout du roule, le genou par terre. En fait, par rapport au premier moment où je me suis senti épuisé, je n'étais encore pas dans un état, où c'était un peu irréversible. Je pouvais peut-être me reposer. Mais je me suis rendu compte à un moment donné, non, que je commençais à m'épuiser. Mais je ne me suis pas assez écouté. La preuve, c'est que j'ai fini par faire ce burn-out. D'accord. Mais j'ai eu des... Dans ma tête, il y a eu des moments où je l'ai même formalisé avec la personne avec qui je vivais à ce moment-là. Je disais non, je ne suis pas un surhomme, je ne peux plus. Je ne peux plus, c'est trop pour moi, là, c'est trop. Donc là, tu m'en demandes trop pour ce moment-là, voilà, où j'en demande trop, donc je vais me calmer. Ouais. Mais avec... C'est-à-dire avec moi, mon amour propre me disait aussi quelque part derrière, mais si mon gars, tu peux encore y aller, quoi. T'as pas tout donné, tu peux y aller. Voilà. Et tu as consulté un médecin qui t'a dit effectivement vous êtes au bout du roule? Non. Non. Non. J'ai pris sur moi, j'ai essayé de faire en sorte d'être un peu moins fatigué, donc à faire plus attention à mes temps de repos, à la manière de gérer mon temps, notamment. Il y a des tas de choses que je ne maîtrisais pas à l'époque, c'est par rapport à ma sensibilité. Je suis quelqu'un qui est... je me sens hypersensible, je me suis toujours senti hypersensible. Mon cerveau, il va regarder, mes sens vont faire que mon cerveau va aller un petit peu dans tous les sens, va s'attarder sur des choses, va les garder dans un coin de sa tête, ensuite va aller sur autre chose, et puis voilà. Il y a eu des moments quand même, oui, tout était... Non, mon cerveau n'arrivait plus à calculer quoi que ce soit, de toute façon. Besoin de dormir, il faut arrêter la machine, point. Donc il n'y avait que les nuits qui pouvaient un peu m'aider à réparer, en fait, dire presque ce manque d'oxygénation des fois. Quoi. Pas prendre assez de temps à dire mais c'est bien ce que j'ai fait, j'en fais pas plus, je me repose. Chez moi, c'était pas possible. Je crois qu'en fait, parce que j'ai l'impression que on m'a donné des moyens de me battre, non, c'est pas fini, tu peux encore y aller, mentalement, de ne pas lâcher l'affaire, en fait, il y a quelque chose, non, tu vas jusqu'au bout. Et comment a réagi l'environnement privé quand tu as dit, non, là, c'est fini, je ne peux pas plus, je suis fatigué, quoi, je suis épuisé. Devant cette considération de ton état, quoi, quand tu t'es rendu compte que t'étais vraiment, tu pouvais pas plus, quoi, tu pouvais pas continuer dans ce rythme-là. la personne avec qui je vivais à ce moment-là avait sans doute senti que je pouvais être fatigué, mais je pense qu'elle était plus focalisée sur le fait qu'elle n'avait peut-être pas ce qu'elle aurait souhaité avoir, enfin de ce que j'aurais pu lui donner, de ce que je lui donnais en fait. Mm-hmm. Donc ton environnement a réagi d'une manière plutôt qu'ils n'étaient pas à l'écoute de ton besoin à toi. Non, pas du tout. Je pense qu'ils étaient quand même focalisés sur leurs propres soucis à vivre, tout simplement. Mm-hmm. Et comment tu l'as vécu, ça? Il faut continuer, quoi. Il faut continuer. De toute façon, voilà, ta vie, c'est ça, ta vie. Tu fais ci, tu fais ça. Tu dois travailler pour... il faut travailler pour gagner ta vie, entre guillemets. Enfin, l'expression un peu ennuyeuse, des fois. Enfin, bref. Mm. Et alors, à ce moment-là, tu étais dans l'enseignement, si j'ai bien compris. Oui. Et comment a réagi l'entourage professionnel quand tu étais comme ça, je dirais, épuisé? Mais je ne faisais pas attention à ça. Ou, j'ai eu une fois une remarque parce que j'étais arrivé en retard. D'ailleurs, je crois que je commençais déjà vraiment à être faible, parce que la personne, quand elle m'a dit ça, un proviseur agent, une fois qu'il est parti, j'ai des larmes qui sont venues, quoi. J'ai des larmes qui ont coulé. Donc j'étais vraiment dans un état de faiblesse. Enfin, moi, personnellement, comme je me suis construit, dès qu'il y a un moment de faiblesse, ça se traduit comme ça, par des larmes. Quoi. Enfin, ça ne s'est pas toujours traduit comme ça. Mais ça se traduit comme ça quand vraiment j'ai dépassé les limites. Ces limites, justement, où j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie à sentir ces limites. Voilà, la question, moi, qui m'intéresse essentiellement dans ton cas, quand même un cas particulier, à quel moment le médecin t'a déterminé, en fait, un diagnostic qui était axé plutôt dépression? C'était à la suite d'un accident relativement grave, puisque je m'étais brisé la colonne vertébrale. Je suis, on va dire, assez rapidement rétabli, on va dire au bout de six mois, et donc toujours avec mon tempérament à reprendre les rênes et à y aller, j'y suis allé un peu trop fort, et là j'étais vraiment fatigué en fait, donc je suis allé voir Toubib, je lui ai dit mais je vous arrête tout de suite, présenter ceci, cela, etc. Vous êtes en train de faire une dépression. Donc sur les premières, les premières explications à donner à l'administration, ce qui était mentionné, dépression sévère, voilà. Oui, donc c'est intéressant, parce qu'en fait, ça voudrait presque dire que pour toi, c'était le premier jour où tu as vraiment mis le genou à terre, dans le sens, tu as été épuisé à plusieurs reprises, oui. De manière répétitive, mais comme tu le dis, et tu l'expliques très bien avec ton caractère, ça reprenait le dessus, et tu reprenais, et tu repartais, et tu reprenais, et tu repartais, jusqu'à ce jour où, effectivement, tu as eu un accident. Était-ce dû au fait que tu étais très fatigué, et puis que cet accident s'est peut-être facilité par ta fatigue? Je ne sais pas, je ne connais pas le contexte. Mais enfin, ce jour-là, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. L'accident, lui, il y a peut-être une petite part de fatigue qui a fait que je n'ai pas pris en compte tous les critères de sécurité au niveau de l'activité que je pratiquais. Mais là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Oui, il y avait autre chose. Il y avait donc l'accident que je subissais, ce que je vivais avec mon ex-compagne et au travail. Donc oui, effectivement, c'est un contexte relativement particulier, mais qui est intéressant parce que le contexte en lui-même montre à quel point les fortes volontés peuvent aller très loin dans l'épuisement. C'est-à-dire qu'ils peuvent le vivre, continuer à le vivre, à la limite garder plus ou moins la tête hors de l'eau, seulement vivre pendant des années l'épuisement. C'est pas quelque chose qui est aussi court qu'on pourrait l'imaginer. C'est pas une grippe. On n'attrape pas un épuisement comme une grippe et elle part pas comme une grippe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sur le long terme et qui effectivement, à un moment donné, suivant la volonté de la personne, peut aller plus loin, encore plus loin. Donc quelque part, quand il y a eu cet accident, c'était peut-être une bonne chose qu'à un moment donné, voilà, c'était stop, quoi. C'était on arrête là, on arrête le bazar et on se reconstruit quelque part. On va en venir à ce que tu as ressenti pendant tous ces moments d'épuisement, parce que je pense que ça a duré pendant pas mal d'années. Oui, ça a duré pas mal d'années. Deux, trois ans avant vraiment qu'il y ait un travail psychologique important, en fait. Et des choses que j'ai tentées, qui n'ont pas porté leurs fruits. Non, pour moi, c'était plus possible. J'avais retrouvé un petit peu de force, mais il ne fallait pas grand-chose pour que je dérape de nouveau. Quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'aille au fond des choses. Et j'ai donc, là, j'ai été arrêté carrément. J'ai été arrêté pendant un an, donc une succession d'arrêts de 3 mois en 3 mois, etc. Et donc, où il y avait forcément des médicaments qui pouvaient m'aider. Il y avait aussi un travail sur un petit peu de la manière dont je m'étais construit, avec l'aide d'un psychiatre. Quoi. Et puis également des pratiques énergétiques. Mais bon, là, on va passer en revue ce que nous, on a mis dans l'association en ligne, d'ailleurs, la brochure, avec tous les troubles qu'on peut avoir en cas d'épuisement, pour voir quels sont ceux que tu as vécu et quels sont ceux que tu n'as pas vécu, ou peut-être d'autres qui ne sont pas répertoriés et que tu aurais vécu. Parce que ce n'est pas une liste exhaustive, hein. On a fait une liste un peu globale. Alors, on parle déjà de troubles physiques. Alors, les troubles physiques, on parle de manifestations somatiques quand on a un épuisement, puisque, je le rappelle, c'est quand même un dérèglement hormonal à la base, avec la trop grosse consommation d'adrénaline et de cortisol, on a un dérèglement hormonal qui se passe. Et effectivement, de ce fait, on a des douleurs et des choses qui arrivent, alors, auxquelles on met peut-être d'autres justificatifs, parce que voilà... je dirais que la science n'est pas très avancée au niveau épuisement dans la détermination de ce que ça provoque. Mais là, on parle, nous, de manifestations somatiques, donc qui sont des plaintes ou des douleurs, quelquefois de choses qui, quand on va voir le médecin, dit « mais je ne vois pas de quoi vous me parlez, vous n'avez rien ». Donc ça arrive aussi des choses comme ça, ou alors qu'ils disent « vous avez ça ou ça ». Bon, on parle de douleurs abdominales. Alors, je ne sais pas si tu as connu des problèmes de douleurs abdominales, qui vont avec des troubles comme des ulcères, des troubles gastro-intestinaux ou des troubles alimentaires. Non. Non, t'as pas eu ce genre de problématique. Ensuite, des douleurs musculaires et aux articulations, en particulier des douleurs dorsales. Des douleurs dorsales. Et il y a eu des sensations de vertige. Ouais. Bon, après, douleurs dorsales, c'est la colonne vertébrale, on est d'accord. Il y a un peu ça aussi. Là. Mais les douleurs dorsales, c'est un petit peu comme quand on dit en populaire, j'en ai plein le dos. Oui, non, mais voilà, complètement. Ça... Et donc, effectivement, le cortisol et l'adrénaline usent les articulations. Hein, donc, ça n'arrange rien. C'est effectivement assez chronophage. On parle aussi de réduction des défenses immunitaires, c'est-à-dire des périodes de notre vie où on chope tout ce qui passe. Oui. Les moindres grippes, grippes, rhumes, etc., me tombais dessus, quoi, entre guillemets. Mais quand j'étais vraiment dans cet état-là, non, j'étais arrêté. Donc, Mais avant d'être arrêté, tu vois. Avant d'être arrêté, non, ça se traduisait par des sinusites, des rhinites. C'est comme ça, réduction du système immunitaire. Oui. Ensuite, il y a des troubles cognitifs. Alors, les troubles cognitifs, nous, on parle de troubles de la mémoire. Oui, j'ai été touché par les troubles de la mémoire. C'est-à-dire que... Est-ce que tu étais du style à avoir ton petit papier, ton petit crayon pour marquer tout ce que tu avais à faire? Peut-être pas pour marquer tout, mais pour noter vraiment les choses importantes que j'avais peur d'oublier. Je passais par là. Ouais. Des troubles de l'attention. Oui. En étant enseignant, ça devait être... Avoir beaucoup de difficultés à rester attentif à tout ce que je pouvais entendre, lors d'une conversation. Puis en tant qu'enseignant, ça devait être assez difficile à vivre. Heureusement, j'ai été... ça a été difficile, mais j'arrivais assez bien le gérer, en fait, dans dans la matière que j'enseignais, il y a quand même des moments où l'élève est au travail. Donc pendant ces moments-là, on a plus le temps de se poser, d'anticiper sur la suite du cours, de la séance. J'arrivais assez bien à gérer ces choses-là. Quoi. Et on parle aussi de troubles de la concentration. Je pense que c'est attention, concentration. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Mais vraiment dedans, en fait. C'était plus quand là j'étais arrêté. Ah. C'était. Ah oui, c'était compliqué. C'était très compliqué. Tu le voyais dans la vie quotidienne ? Ah oui, complètement. Complètement. C'était. C'était en boucle dans mon cerveau. Donc. Quand c'était forcément, je pouvais pas être attentif et être concentré, entièrement concentré lors d'un échange ou des choses qui pouvaient m'échapper. Et puis on parle de troubles des fonctions exécutives, c'est un peu vague, mais ça veut dire en quelque sorte ne pas arriver à faire quelque chose de A à Z, c'est-à-dire le commencer, pas le finir, reprendre, enfin bref, être très décousu sur ce qu'on fait. Oui. Oui, c'est marrant. Des exemples ? Par rapport à des travaux divers, en fait. Voilà. Parce que dans le quotidien, il y a des choses essentielles comme manger, dormir, etc. Qui viennent entrecouper les choses que l'on a mises en route, quoi, choses qu'on a mises en route. Après, il y a les priorités que l'on se donne. Quoi. À un moment donné, on revient un peu, enfin moi je revenais un petit peu sur le choix que j'avais fait de faire telle activité, à me dire, bon, ben là, je laisse en pause, je vais à autre chose, etc. C'était vraiment le fourbi, et la moindre chose me paraissait compliquée à faire. Voilà, c'est énorme chez moi. La moindre chose me paraissait pénible. Parce que je pense que j'utilisais beaucoup d'énergie avec mon cerveau. À cogiter. Quelle solution je dois trouver pour. Comment je peux trouver. Où je peux trouver une solution. Comment je dois me comporter. Compliqué, oui. Oui, ça fait partie aussi des symptômes, c'est se sentir piégé quelque part. C'est-à-dire ne pas avoir d'issue. C'est ça. Ouais. On parle de changement de comportement. Dans les changements de comportement, il y a le repli sur soi. Est-ce que tu as vécu ça ? Oui. Oui. Avec quand même le besoin de partager du temps avec des personnes avec qui je pouvais bien me trouver, quoi. Mais globalement, pas trop envie de me montrer. Pas fier. C'était même pendant les soins, je culpabilisais de ne pas être au travail et à dire, je suis arrêté pour mon état, quoi. Une culpabilité, J'ai appris un petit peu à regarder les choses autrement. Également. Voilà, tu n'as pas... La meilleure solution pour le moment, c'est tu es arrêté, tu te reposes. Et tu fais uniquement les choses que tu as envie de faire. Et si tu as envie de rien faire, tu ne fais rien. C'est aussi, ça m'a... Moi, quand on m'a dit ça, c'était énorme. Pour moi, c'était pas possible. Ça m'a questionné quand ma psychiatre m'a parlé de ça. J'ai dit, mais comment c'est possible ? Vous ne faites rien. Le matin, vous vous levez, vous êtes vraiment... Vous êtes maussade, vous avez envie de rien, vous n'avez jamais resté couché. Et puis quand l'étincelle viendra, que vous aurez envie de vous lever, vous le levez. Après, vous aimez bien le matin, vous avez quoi faire. Prenez votre petit déjeuner, etc. Puis les choses succédaient dans des instants où j'essayais de me sentir là comment je me sens. Quoi. Bon, j'étais bien là, mais je ne me sens plus bien d'un coup. Je vais me recoucher. Ah, je ne me sens pas bien, la personne, je peux rencontrer une personne, elle est disponible, oui. Et je me sentais très mal lorsque la personne à qui j'avais l'habitude de partager des moments, je me sentais très mal lorsqu'elle n'était pas disponible. Oui. Je ne pouvais presque même dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle m'a oublié. Oui, on va y venir. Donc. Et puis, est-ce qu'il y a eu cette, ce qu'on appelle les attitudes impersonnelles, détachées, négatives, cyniques ou des comportements agressifs ? C'est-à-dire vraiment pas de bonne, quoi. Et puis, de ne pas se reconnaître tellement, notre caractère devient cynique ou agressif ou bien détaché des autres. Ou... Enfin, bref. Ah oui, j'aurais dire, bah, avant d'être arrêté, c'est, voilà, il y a des moments violents, des réactions violentes. Réactions violentes, notamment verbales. Quoi. Mm-hmm. À un moment donné, quand les limites, enfin mes limites étaient dépassées, je manifestais mon mécontentement de façon violente. Moi, je ne m'en rendais pas compte, on me l'a envoyé. Quoi te mettre dans des états comme ça Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des comportements addictifs. Donc, ça peut être les médicaments, l'alcool, la drogue, ce qu'on veut. Ou alors, par exemple, l'écran ou la consommation. Ou en tout cas, un truc style un hobby qui nous obsède. Enfin, un truc addictif qui est un petit peu ce qu'on appelle une drogue dissociante. C'est-à-dire qu'au milieu de cette fatigue, on prend un peu une porte de secours qui va nous redonner un faux élan, mais un élan quand même. Oui, ben oui, il y a eu. Il y a eu des psychotropes. Voilà. Mais bon, ça ou des médicaments, c'est la même chose. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on est d'accord. Donc à un moment donné, il y avait un besoin de reprendre le dessus, quoi, en quelque sorte, de se donner quelque chose. Oui, donc ça, effectivement. Puis bon, c'est clair que... Tout ça évolue et puis change complètement à partir du moment où on reprend un peu d'énergie. On se demande pourquoi on est passé par des stades comme ça, quoi. Mais c'est des choses qui arrivent. Et puis le changement dans la motivation, il y a des baisses de motivation professionnelle. Oui, il y a eu des baisses de motivation. Par rapport à ton travail. Beaucoup de difficultés avant d'être arrêté. Enfin, j'y arrive encore, mais avec... quand même pas mal de difficultés. J'ai fait le choix de fonctionner avec les acquis. J'avais pas mal de travail de fait, par exemple pour des travaux pratiques, des documents, des fichiers informatiques, etc. Donc j'avais quand même un cartable bien rempli, on va dire. Donc je pouvais, je me reposais quand même sur ces acquis-là. Mais je me souviens quand même de périodes où il y a eu des réformes, donc changement de façon de procéder, il fallait s'adapter. Donc toujours cette volonté de bien faire les choses, j'essayais quand même de passer du temps. Je passais énormément de temps finalement. Enfin, je passais énormément de temps pour finalement avoir un résultat qui était, pour moi, était médiocre. Si je faisais le rapport entre le temps passé à préparer un travail pratique et avoir le temps que les élèves passaient à le faire, c'était, pour moi, je passais énormément de temps par rapport au travail demandé à l'élève. Une motivation. Je vais simplifier les choses. Pour 25 heures de préparation, c'était parfois 3 heures pour les élèves. Difficulté à avancer, quoi, en gros. Difficulté à avancer, mais surtout à savoir utiliser les outils qui permettaient de rendre un travail et de que les élèves puissent l'exploiter. Quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu des doutes sur tes propres compétences ? Oui. C'était plus, est-ce que je vais être capable de récupérer ces compétences-là ? Ton épuisement, t'avais fait. Oui, mon épuisement était tellement énorme que est-ce que je vais être capable de retrouver de la mémoire, de l'attention, de la concentration ? Ça me faisait très peur. Et dans les troubles psychiques, nous, on parle d'anxiété intense. D'agitation anxieuse, oui, je pense. Oui, le cerveau qui va à 200%. Ah oui. Comment se passaient les nuits ? Oui, Avant que tu ne sois arrêté, j'entends. Est-ce que tu dormais bien ? Les psychotropes m'aidaient à dormir, en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, c'était rare, sauf si... je cessais de prendre des psychotropes, c'était compliqué. Et après, est-ce que tu as retrouvé ton sommeil ? Oui, j'ai retrouvé mon sommeil. Donc voilà, donc ça. Et puis on parle aussi de ce qu'on appelle la logorrhée, c'est un débit de parole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tellement fatigué qu'on parle comme des moulins. Et qu'on a cette espèce de transmission d'un cerveau surchauffé de tsunami à un débit de parole tsunami. Est-ce que tu as vécu ces moments-là ? Peut-être que je l'ai, enfin, je me souviens, ça marque pas, enfin, j'ai pas été marqué par ça. Mais avoir du débit, je pense qu'il y a eu des moments, oui, où j'ai eu du débit, en fait. Et alors, on en arrive à la réaction dépressive, donc, où toi, tu as eu un diagnostic qui t'a même pas dit que c'était une réaction dépressive à un épuisement, mais qui t'a carrément dit, vous êtes en dépression. Diagnostics médicaux qui ne savent pas grand-chose sur l'épuisement et qui catégorisent les personnes en épuisement de dépressifs. Or, que la grande différence, elle est qu'une personne dépressive a toujours eu un caractère plus ou moins dépressif, c'est-à-dire n'a pas été entreprenant, s'est plutôt laissé guider par la vie. Et une personne qui est en épuisement, c'est quelqu'un qui a toujours été actif, qui a toujours été énergique et autre, et qui, à un moment donné, après l'épuisement, tombe dans un état dépressif. Donc toi, tu serais tombé dans cet état dépressif parce qu'avant, tu étais énergique. Oui. Et c'est ça qu'on voit la différence entre dépressif et état dépressif et dépression. Donc cet état dépressif, c'était un état de tristesse, mais c'était surtout la difficulté de se voir diminuée en termes d'énergie. Ah, complètement, oui. Beaucoup de difficultés à accepter que je me trouve dans cet état-là. C'était, oui. À tel point, beaucoup de difficultés à me regarder dans un miroir. Mon estime de moi, oui, et j'ai une chance inouïe. Je commençais en fait à être sur le chemin de la guérison, enfin d'être mieux en fait. Et j'ai eu l'opportunité, merci mes employeurs d'avoir proposé des formations dans le but de faire passer le message à des élèves. Mais moi, ça m'a surtout servi à moi-même à retrouver l'estime de moi en fait. Voilà, j'avais plus d'estime pour moi. Ça pouvait aller jusqu'à... Il n'y avait plus rien autour de moi qui pouvait me faire aimer la vie. Il n'y avait plus rien, même un chant d'oiseau, même un beau coucher de soleil, même des jolies fleurs, la verdure. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. J'étais un peu comme... Tout était figé, j'ai l'impression que mes perceptions des belles choses de la vie étaient complètement anesthésiées. Quoi. Enfin, pas anesthésiées... Non, j'étais plus capable, il n'y avait plus rien qui m'émerveillait dans la vie. Et c'était parfois même très lourd, c'est que je pleurais sans connaître les causes. Alors ça, c'est un des symptômes élémentaires de l'épuisement, hein, de ce qu'on appelle plus communément le burn-out, c'est des crises de larmes. Parce que quand on est effectivement épuisé, c'est un des symptômes qui font la différence justement entre l'épuisement et d'autres diagnostics. Ça, c'est courant. Les gens qui sont en crise de larmes, et aussi surprenant que ça puisse paraître, plus des hommes que des femmes. Dans tous les témoignages que j'ai entendus jusqu'à maintenant. Les crises de larmes, oui. Plus les hommes. Ce qui est assez étonnant, mais je pense, voilà. Et puis, à côté désespoir, est-ce que tu as vécu ce côté désespoir? C'est-à-dire que ça va vraiment loin. Je donne comme exemple l'enseignante Christine Renon. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, cette directrice qui s'est suicidée. Dans le milieu de la France, elle a sauté par-dessus le balcon. Elle ou d'autres personnes, elle particulièrement, non, son nom ne me dit rien pour le moment. Oui, j'ai entendu parler sur autre chose, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. À un moment donné, j'étais... les premières fois, avant de vraiment suivre un traitement au long cours, à un moment donné, je ne pouvais plus. J'en ai parlé à ma médecin qui m'a dit « allez aux urgences ». Et puis les urgences m'ont proposé d'aller en hôpital psychiatrique pour me faire interner, en fait. Donc j'ai accepté de me faire interner. Une toute première fois, j'ai eu peur. Donc je ne suis pas resté là en me disant « bon, j'ai eu comme un moment lucidé » en me disant « c'est pas là que j'arriverai à me retrouver ». Et puis, tout compte fait, je m'y suis retrouvé peut-être un an ou voire deux ans après, où j'ai passé quelques temps à l'hôpital psychiatrique, près de trois mois. Et j'ai poursuivi par une clinique post-psychiatrique pour aller vers la transition du mal-être au mieux-être. Et c'était encore pas terminé pour moi en fait. J'ai continué, j'ai poursuivi le travail avec ma psychiatre et des soins énergétiques. Pour finir, j'ai envie de dire, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de marcher. Ah, j'ai marché un mois et j'ai marché un mois. La nature. Ça m'a beaucoup aidé, la nature. Et en contrôlant mes pensées, en étant très conscient des sensations de mon corps, et notamment des sensations du sol sous mes pieds, sensations les douleurs, etc., et les pensées. Donc j'ai envie de dire, je travaillais de cette manière-là, c'est-à-dire je me servais de mon souffle aussi bien pour des douleurs mentales comme des douleurs physiques, j'utilisais mon souffle pour les évacuer. Voilà. Donc, sommairement, j'inspirais sur le mal, qu'il soit mental ou qu'il soit physique, et j'expirais en pensant que ce mal... parte, reste pas en moi. En fait. Je me rendais compte en fait que ça fonctionnait quoi. Pour le mental, Donc j'arrivais à le stopper beaucoup plus rapidement. Mm-hmm. Plus les jours passaient, plus j'arrivais à stopper rapidement. Et mm-hmm. pour le physique, j'allais dire également. Mon souffle très rapidement me permettait de couper une douleur que je pouvais avoir dans une cheville, etc. J'ai vraiment découvert ça. Et au retour, j'en ai parlé. C'était vraiment une révélation, en fait. C'est là que j'ai commencé à me dire la pensée est un outil très puissant, en fait. Mm-hmm. Mais aussi mm-hmm. bien dans le bien comme dans le mal. Mm-hmm. Donc là, on en est arrivé à le après. Comment tu pourrais décliner ce que tu vis maintenant, donc ce après ces épreuves, après ces souffrances, après ces moments difficiles à passer? Comment est-ce que tu qualifierais de ce que tu vis maintenant? Je veux dire que mes sens sont... mes sens sont plus ouverts, non? Ils étaient déjà ouverts avant. Je crois que je relativise plus facilement la vie, des problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Et plus utiliser des problèmes et en tirer en tirer quelque chose de positif, en fait. Même dans du négatif des événements qui se sont passés, produits dans notre vie, on peut toujours en tirer du positif. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses maintenant. Mm-hmm. S'il m'arrive ça, c'est qu'il y a un message, lequel, des fois on ne comprend pas le message. Si je ne le comprends pas dans l'instant, un jour je le comprendrai. Mm-hmm. Et a priori jusqu'à aujourd'hui, ça se concrétise, c'est mm-hmm. vrai en fait. Ouais. Et comment te sens-tu maintenant ? Moi je me sens très bien, vivant. Par rapport à avant, est-ce que tu as l'impression d'avoir remonté les marches d'escalier de l'épuisement ? Ah oui, j'ai remonté les marches d'escalier, oui. Sauf que j'ai quand même tendance encore des fois à déborder, parce que je suis amoureux de la vie, tu vois, finalement. Et donc je voudrais en vivre le plus possible. Bon, maintenant, je comprends mieux que parfois, il faut s'arrêter, il faut aller se reposer. Mm-hmm. Le corps parle et il faut écouter son corps. Mm-hmm. Mais ce qui m'a renforcé, en fait, je me suis soigné pour sortir de cet état de faiblesse énorme, quoi, de grosse faiblesse. J'ai eu cette chance, dans mon malheur, d'avoir un grave accident qui a fait que j'ai ressenti la mort. Qui revenait de façon récurrente pendant une période où j'étais encore en réanimation. Et mon mental fonctionnait, moi ce dont je me souviens, c'est que, donc quand je dis la mort revenait de manière récurrente, il y avait une sensation de couleur, une sensation de bruit, très particulière, qui est donc récurrente, qui revenait comme ça. Et à chaque fois que ça revenait, il y avait quelque chose en moi qui me disait « Non, tu vas pas vers ça. Tu vas pas vers ça. » Et donc, quand ce mécanisme se mettait en place dans mon cerveau, je ne sais pas comment ça se produisait, et de ça s'éloigner cette sensation de mort. Et à chaque fois qu'il y avait de nouveau cette chose-là, rebolote le même mécanisme dans ma tête. On dirait « Non, je ne veux pas de ça. » Et jusqu'au jour où là j'ai repris plus de conscience, j'étais moins sous les effets des médicaments antidouleurs, là cette sensation récurrente n'était plus là. Je me dis c'est bon, je suis sauvé, il n'y aura plus m'embêter. Mm-hmm. Après, bon, évidemment, la mort nous arrivera un jour. C'est... Mm-hmm. Mais j'ai même en me réveillant, d'accord, encore sous l'effet des médicaments qui anesthésient la douleur, enfin bref. J'ai petit à petit ressenti de nouveau des douleurs à tel et tel endroit. Mais derrière ça, il y a toujours cette pensée, mais la vie est belle, quoi, je suis vivant, là je suis vivant. Je suis vivant. Bon, évidemment, il y a des questions quand même, mais au final. Pourquoi je suis vivant ? J'ai encore une mission à accomplir dans la vie. Peut-être. Donc je suis resté quand même, on va dire, un mois ou deux à me dire, mais oui, j'ai encore une mission. Laquelle ? Et je voulais savoir quelle mission. Puis un jour, un ami me dit, mais ta mission, c'est de vivre. Et je crois que c'est encore plus renforcé mon envie de vivre. Et puis je crois de partage aussi. Il y a des choses qui m'effrayaient avant. Qui m'effrayait, où j'avais beaucoup de mal, c'est de me retrouver dans la foule, avec beaucoup de monde, des assemblées, avec beaucoup de personnes. Ça me dérangeait, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Notamment autour de l'énergie qu'un groupe peut dégager, quoi. Et après ce grave accident, non, ça ne m'a plus gêné. Je pouvais être dans la foule, au contraire, j'avais l'impression que je captais toutes les bonnes choses et les personnes. Et que les choses mauvaises, je m'en écartais, mais mon ressenti dans une foule, c'était plus le meilleur, le vivant en fait, le vivant. C'est beau. On te remercie beaucoup pour ton témoignage. Et voilà, et merci de ta présence ici. Et là, je pense que, je ne sais pas ce que tu veux dire en conclusion, mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que chaque témoignage étant différent, c'est intéressant de voir la façon de chacun de se voir épuisé, de comment on fait avec, ce qu'on en fait, et ce qui arrive ensuite, voilà. Bah, y a une chose que j'ai retenue, c'est que... Enfin, on y prête... Enfin, il faut une, je pense, enfin, j'ai envie de dire une maturité. Il faut déjà avoir passé un certain temps de sa vie pour se dire, en fait, que les états dans lesquels je me suis retrouvé dans ma vie, enfin, il y avait forcément ma perception qui faisait que je... Ma perception des choses qui ont fait que je me suis retrouvé dans ces états-là. Et notre perception, elle est en rapport avec bah, ce que l'on a vécu, ce que l'on nous a transmis. Et en apprenant à être observateur de mes pensées, j'ai pu un peu remettre en cause ma perception des choses et de ce que j'avais reçu. Et remettre en cause les choses que j'avais pu recevoir. Et à me dire, mais non, mais ça ne m'appartient pas, moi je ne suis pas comme ça. Donc un jour on est, de nos parents, on n'a pas choisi de naître, et donc on met un pied dans la vie, et on reçoit des informations, on apprend à les gérer comme tout être, j'ai envie de dire, comme tout être vivant, avec nos sens. Mais ça va au-delà de ça, en fait, parce que notre sensibilité, elle n'est pas uniquement liée à ce que nos parents nous ont transmis, elle est également liée à ce que les ancêtres de nos parents ont pu leur transmettre. En tous les cas, c'est ce que je crois. On se construit dans des choses élémentaires, savoir manger, enfin, se nourrir, se vêtir, apprendre des choses. Et on l'apprend avec des outils que l'on nous transmet, mais qui ne sont pas forcément les outils qui nous conviennent. Oui, moi ce que j'aimerais juste rajouter qu'en aparté, c'est que dans le cadre de l'épuisement, un des outils que, éducationnellement parlant, ne nous est pas transmis, c'est la bienveillance envers nous-mêmes. Oui, imagine, ouais, c'est clair. Peut-être qu'on me l'a un tout petit peu enseigné, mais non, c'était vraiment. Je pense que c'était pas assez répété. C'est comme un enseignement que je regrette ne pas avoir reçu, c'est de gérer ses émotions par la respiration. La respiration, pour eux, c'est énorme, en fait. Pour rétablir le calme en soi, la respiration, c'est un outil très puissant. Mmh. Et dans notre éducation de base, on ne nous apprend pas à ça. La respiration, c'est inné. On sait respirer, on sort du corps de notre mère et voilà, on se met à respirer. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais gamin, ça m'avait un peu, vraiment, pas traumatisé, mais ça, franchement, c'était très lourd. J'avais peur d'arrêter de respirer, en fait. C'était quelque chose d'énorme, et je me souviens l'avoir évoqué à ma maman, qui dit, mais non, tout va bien, t'inquiète pas. Voilà. Mais je crois, ouais, j'ai vécu des choses qui étaient assez dures. J'ai appris à les rendre moins durs. Donc de ce fait, je me suis endurci intérieurement. Mm-hmm. Mais j'ai pas appris à respirer pour contenir mes émotions. Cette épreuve que tu viens de passer, merci de nous l'avoir racontée. Et c'est effectivement une épreuve qui apprend à grandir et qui effectivement... enseigne sur la manière, comme tu m'as dit tout à l'heure, rien n'est plus comme avant. Rien n'est plus comme avant parce que je gère autrement, je me gère autrement en fait, et je m'aime mieux. Tu es bienveillant avec toi voilà, maintenant. Oui. C'est une belle, belle conclusion. Merci beaucoup, merci pour ton témoignage. Merci à Auriel pour ses chansons qui accompagnent cette émission. À bientôt, chères auditrices et auditeurs. Thank you.